Le chat et le renard. Fable 14 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le chat et le renard. Le chat et le renard, comme beaux petits saints, s'en allaient en pèlerinage. C'étaient deux vrais tartuffes, deux archipatelins, deux francs pattes pelues, qui, des frais du voyage, croquant maintes volailles, escroquant maints fromages, s'indemnisaient à qui mieux mieux. Le chemin étant long et partant ennuyeux, pour la courcir, ils disputèrent. La dispute est d'un grand secours. Sans elle, on dormirait toujours. Nos pèlerins s'égosillèrent. Ayant bien disputé, l'on parla du prochain. Le renard au chat dit enfin, « Tu prétends être fort habile. En sais-tu tant que moi? J'ai 100 ruses au sac. » « Non, dit l'autre, je n'ai qu'un tour dans mon bissac, mais je soutiens qu'il en vaut 1000. » Eux de recommencer la dispute à l'envi. Sur le que si, que non, tous deux étant ainsi, une meute apaisa la noise. Le chat dit au renard, « Fouille en ton sac, ami. Cherche en ta cervelle matoise un stratagème sûr. Pour moi, voici le mien. » À ces mots, sur un arbre, il grimpa bel et bien. L'autre fit 100 tours inutiles, entra dans son terrier, mit 100 fois en défaut tous les confrères de Briffaut. Partout, il tenta des asiles, et ce fut partout sans succès. La fumée est pourvue, ainsi que les bassets. Au sortir d'un terrier, deux chiens aux pieds agiles l'étranglèrent du premier bond. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix. On tente, on veut tout faire. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. Fin de Le chat et le renard. Fable 14 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.